Alors, il faut 8 rôles. 8 ! Bah oui, on va y avoir 8 rôles différents du coup. Il y a 2 loups-garous. Ouais. Et 6 rôles différents. Il n'y a pas de villageois. Enfin, si, il y a un villageois. Non. Même pas. Non. D'accord. C'est tiré au random pif. Bah, c'est soit tiré au random pif, soit comme vous voulez. Je vais vous expliquer les différents rôles et vous me dites si vous les voulez ou pas, quoi. Le gentil monsieur. C'est toi, tu connais mieux le jeu, de toute façon. Enfin, Après, je dirais, ouais, c'est mieux pour équilibrer, peut-être, peut-être. Ouais. Pour l'équilibrage, tout ça, tu es notre patcher. Donc, les loups-garous, ils tuent les gens. Ah bon ? La nuit. Waouh ! La nuit, je veux dire, les loups-garous se réveillent. Merci, Captain Gadget. Merci, Inspecteur. Inspecteur Gadget. Merci, Captain. Voilà. Ensuite, un villageois, je vais mettre. Enfin, je propose un chasseur. Ça, c'est bien le chasseur. Le chasseur, il est bien. Quand tu meurs, il tue quelqu'un. Quand il meurt, il désigne quelqu'un et il meurt. Et bam ! Il a une balle. Il peut tuer un loup-garou, il peut tuer un pote. Il tire qu'un coup. Il tire qu'un coup. C'est un Kodak. C'est ça, là. Il a pas raté sa vie, quoi. Le montreur d'ours. Alors le montreur d'ours, il a un ours. Et du coup, tous les matins, quand le visage se réveille, s'il a un loup-garou à sa droite ou à sa gauche, il y a l'ours qui va faire groar pour lui dire attention, t'as un loup-garou à côté de toi. C'est qui fait l'ours ? C'est moi qui vous le dirai. Ah, d'accord. C'est tout, quoi. Mais qui fait l'ours ? Non, c'est moi qui vous dirai. Attention, l'ours. Tu connais la blague de l'ours au bœuf ? Une voyante. Bah, la voyante, la nuit, je vais l'appeler et elle va me désigner un joueur et je vais lui montrer le rôle de cette personne. Donc, c'est assez puissant. Sauf quand on se fait débuter au premier tour par Solène. Ouais. Bravo. Ah, elle était loup-garou en même temps. Cupidon. Cupidon. Dans ta gueule. Cupidon, au début de la partie, va choisir deux personnes. Et ces deux personnes vont être amoureux pour la partie. Ce qui fait que si un des deux D'ailleurs, meurt, tu m'as trompé. Hein. Le deuxième meurt aussi. Tu sélectionnes les deux loups-garous, c'est pété. Oui. Si le Cupidon choisit deux loups-garous et qu'il y en a un des deux qui meurt, les deux meurent d'un coup. Ça c'est pété, ça c'est cheaté. Mais ce qui est très vache, c'est si Cupidon choisit un loup-garou et un villageois. Ça veut dire qu'à la fin de la partie, il faut que le loup-garou il survive, mais pas avec son autre pote loup-garou, il faut qu'il survive avec son amoureux. Parce que si à la fin il tue son amoureux, bah, il meurt aussi. Du coup, c'est le deuxième loup-garou qui gagne. C'est très c'est vache. C'est pas les loups-garous qui gagnent, c'est un loup-garou qui gagne. C'est les survivants. Non, bah, c'est les loups-garous qui gagnent. Mais s'il y en a un des deux qui est amoureux de loups-garous, il faut qu'il gagne avec son amoureux. Sauf que si ça fait que les deux loups-garous vont pas pouvoir tuer tout le monde. Enfin, il y en a un des deux qui va pas vouloir tuer une personne. Tu comprends ? Je vois pas ce que ça lui changera s'il meurt, puisque de toute façon, les loups-garous vont gagner. Ouais, mais, faut qu'il... ouais, mais il est mort. Il est mort. Okay, mais il gagnera dans la mort, c'est bien. Mais il est mort. Il y a qui gagnent même pas quand ils sont vivants, alors. Gagner dans la mort, c'est bien. Regarde, tout à l'heure, sur Shadow Hunter, je suis mort et on avait gagné. Tu vois ? Salut, c'est d'un par. Le eye contact, hein, de suite. Le salvateur. Ouais, le salvateur. Toutes les nuits, il choisit une personne. Et cette personne est protégée contre la mort pendant la c'est nuit. Lui, putain, c'est... Il peut choisir lui, le salvateur. Il peut choisir lui, mais il n'a pas le droit de choisir deux fois la même personne d'affilée. Il est obligé de changer à chaque tour. Moi. Ouais, donc un tour sur deux, tu te choisis toi. Moi. Sauf si tu. Sauf si t'es amoureux de quelqu'un, tu vas toujours dire toi, ton amoureux. Toi, ton amoureux. Ouais. Et alors, est-ce que le salvateur, si. Avec Cupidon. Un des deux du couple meurt, mais l'autre est protégé par le salvateur. Il meurt ou pas ? Ouais. Il meurt quand même. Il se suscite de désespoir. En fait, le salvateur, il te protège que pendant la nuit, en fait. Comme des loups-garous. Quoi. Le matin, tu peux te faire prendre par les villageois. Non, les loups-garous et la potion de mort de la sorcière. Parce qu'il va y avoir une sorcière. Quelle transition oh là Panil là. Putain, moi tu fais du podcast un peu. La sorcière, toutes les nuits, va pouvoir utiliser une ou deux de ses potions. Elle a deux potions pour toute la partie. Une de vie, une de mort. La potion de vie lui permet de ressusciter quelqu'un. Je vais désigner la personne qui a été choisie par les loups-garous. Et elle va me dire si elle veut ressusciter cette personne ou pas. Et après, elle va me dire si elle veut utiliser sa potion de mort et sur qui. En désignant la personne. Toujours du doigt. Parce que les autres, si on les yeux fermés, ils ne voient pas. Donc, potion de vie, potion de mort. On peut essayer d'écouter ce qui se passe à côté, mais. L'ancien. Donc, l'ancien, c'est un vieil arbre. Là, c'est un vieil arbre. Il est protégé contre la première attaque des loups-garous. La première fois qu'il se fait buter par les loups-garous pendant la nuit, enfin, qu'il se fait attaquer par les loups-garous pendant la nuit, il meurt, il prend rien, il meurt pas. Il est pas bien, mais... Voilà. Mais là, s'il se refait attaquer la nuit suivante, bah, il meurt. Par contre, si pendant la journée, il se fait désigner, ou s'il se fait tuer par la sorcière avec une potion de mort, s'il se fait tuer par un innocent, direct. Tous les villageois, ils deviennent simples villageois, ils perdent tout leur pouvoir. Merde. Ah oui. Pendant toute la partie. Là, quand t'es loup-garou et que tu te rends compte que t'as failli tuer l'ancien, quoi que non, parce qu'il y a le salvateur. Bah, loup-garou, t'en fous. Oui, non, mais t'as le salvateur aussi qui. Ouais. Enfin, quand t'es loup-garou et que tu butes l'ancien, tu te dis merde, c'est con, j'aurais pu mieux fait de laisser les villageois le buter. Mais après, tu peux, quand t'es deux jours, t'as le droit de voter, même quand t'es loup-garou deux jours. Ah oui. Donc tu peux tout à fait voter contre celui en question. Oui, oui, tout à fait. Si tu sais qui c'est. Oui, c'est que ce soit pas qui a été sauvé par le salvateur. Mais tu sais pas qui c'est. C'est ça. Si tu désignes quelqu'un la nuit. si au matin il est encore vivant, tu te dis bien c'est... que soit c'était le salvateur. Non, soit c'était la sorcière. Oui, voilà. Ah oui, aussi. Eh, ça peut être la sorcière qui a utilisé la potion de vie. Sorcière, ancien. Ouais, ça fait beaucoup. Il y a du bon moment, on a. Ou alors c'est juste qu'il a pas été assez précis sur son pèle, puis qu'il est mort. Il est pas mort. Et dernier rôle que je vous propose, l'enfant sauvage. L'enfant sauvage, au début de la partie, choisit une personne, il va dire « cette personne, c'est mon mentor ». C'est Berserk. Si cette personne meurt, si le mentor de l'enfant sauvage meurt, l'enfant sauvage devient un loup-garou par vengeance. C'est assez violent. Ça ferait 3 loups-garous pour 8, c'est assez violent. Ça devient un loup-garou par vengeance. Ouais. Parce que son mentor est mort, du coup, il veut buter tout le monde. Et du coup, si c'est les loups-garous qui l'ont tué, qui devient un loup-garou qui peut se vengeance. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est par vengeance. C'est vengeance. Il sait pas qui c'est, mais par vengeance, il veut buter. Il veut essayer de buter. L'esprit de vengeance. Il veut buter les Ghost Riders. Do you know? Mais bon, l'enfant sauvage, il est peut-être un peu. Surfait. Ouais. Ouais, tu veux qu'on le fasse sans l'enfant sauvage? Peut-être on va le mettre de côté. On va prendre 2 loups-garous. Déjà, ouais. Ouais, bah. Le chasseur, la voyante. La base. Et après, je vous laisse le choix des. La sorcière. Au hasard, sinon. Et après, il me reste l'ancien, le salvateur, le montreur d'ours et Cupidon. Il faut en choisir 2 encore. J'aime bien Cupidon. Il faut en choisir encore 3. 3 ? Bah, Cupidon, l'ancien. Cupidon. Le salvateur. L'ancien, et toi, tu veux le salvateur ? Ouais, le salvateur. Le salvateur, il est super puissant. Ouais. On prend pas le montreur d'ours ni le moins sauvage. Okay. Ouais. Oui, j'ai vu, Adar. Oui, mais sur le nez. Ah bon ? Mais tu vois, c'est pas tout, ça. Elle meurt. Passe ton portable. Elle respire quand même un peu. Hein. Sa mère, elle faisait ça aussi quand elle dormait. Petite. Ah, mais ça vient de là. Ah, le génétique. Surtout que Flash, il marche bien sur celui-là. Oui, on voit bien. Bon, bah c'est parti. On peut regarder sa carte en secret comme au Shadowhunter. Je voudrais que tout le monde soit sérieux. Cache-la bien parce que là on la voit par transparence. Je suis végétar. T'as vu ce qu'il y a là ou pas? Je suis végétarien. J'ai essayé d'écrire fin pour pas que ça se voit les traces d'écriture au dos. Il est si. Ouais. Avec la lumière, on le voit bien. Je le vois dans le reflet des lunettes. Il est caché. Du coup, est-ce que au début de la partie, quand tu vas appeler chaque joueur, tu peux répéter son rôle? Ouais, je répète. Récupérer. Discrètement. Ah. Tu veux sortir de là maintenant? Oui. Une petite hydratation. S'impose. S'impose. La pause s'impose. Do you know the cardinal bon cousin? Ouais. Tout le monde y est prêt? Non, mes yeux. Toujours. Ferme les yeux. Le village s'endort. Bah oui. Et Cupidon se réveille. Cupidon va me désigner 2 personnes. Ok, très bien. Cupidon se rendort. Je vais toucher l'épaule des amoureux. On n'est pas dans un cercle parfait, c'est dégueulasse. Pourquoi t'as touché mes 2 épaules? Tu es très drôle. T'es amoureux avec toi-même. Quand tu es là, très bien. Les personnes à qui j'ai touché l'épaule, les amoureux vont se réveiller pour s'identifier. sont identifiés vont pouvoir se rendormir. Le salvateur va se réveiller. Le salvateur va désigner une personne qui sera protégée contre la mort cette nuit. Le salvateur va pouvoir se rendormir. Je vais aller toucher l'épaule de la personne qui est protégée par le salvateur. Les loups-garous se réveillent. Les loups-garous s'identifient, se voient du regard. Les loups-garous vont me désigner une personne à tuer cette nuit. Les loups-garous ne sont pas d'accord. Les loups-garous veulent-ils se mettre d'accord? C'est une véritable boucherie. Ils vont taper du poing sur la table. C'est bien. Les loups-garous se rendorment. Ils ont plus faim. La sorcière se réveille. La sorcière veut-elle utiliser sa potion de vie? La sorcière veut-elle utiliser sa potion de mort? La sorcière se rendort. Et le village se réveille. Sauf Guillaume. On se lève. Oui. Tu peux baisser un peu, s'il te plaît. On passe-moi le téléphone. Guillaume qui était Cupidon. Oh merde, Cupidon. Il est mort. Heureusement, il a. Cupidon est mort. Allez-y, vous avez 3 minutes pour débattre. Bon alors, c'est qui le loup-garou? Qui c'est qui a tué Guillaume? Ouais. C'est ta mère. Moi, je pense que c'est un proche qui pourrait lui en vouloir. Un Guillaume. Un Guillaume. Lequel Guillaume? Ouais. Bah, il y a trop de Guillaume. Il y en a trop. Moi, je dis que c'est Guillaume. Faut éliminer des Guillaume, là. Il y en a un de moins, faut en éliminer un deuxième. Toi, je sens que tu prêches pour ta paroisse. Oui, jeune homme. C'est... Tu prêches pour la paroisse des Guillaume. Par contre, là. Tu penses qu'il faut qu'il en reste qu'un? C'est comme ça, toi. Tu es un peu... Tu es coquin. Tu as le regard vitreux. Tu as la papaye qui croustille. Tu dis ça avec les lunettes, là comme ça. Je suis pas sûr, mais Solène, toi, elle dit rien non plus. Donc, Ah si, moi j'ai appuyé. Elle analyse. Ils nous disent. Sarah, elle se fait discrète aussi, Sarah. Hein. Moi je dis c'est Guillaume. Moi je dis. Moi, j'ai pas moi aussi. Moi aussi. Il est bizarre. C'est pas Philippe Barbe. Il est perfide. Non, mais la bite ne fait pas le moine, donc ça se trouve, c'est pas lui, c'est pas parce qu'il porte la barbe. C'est pas parce qu'il porte la barbe aussi. C'est pas parce qu'il a les cheveux longs que je suis, non. En même temps, on est combien de les cheveux longs autour de la table? Bah écoute, tout mélanger, les garçons. Paraît logique. Ah, cheveux longs, il est court, hein, il disait Johnny. Hein. Alors moi je dis, quand même, de retour écouter Johnny, je ne sais pas. Non, mais ça tient pas le bout. Moi je pense que c'est Guillaume parce que c'est lui qui a commencé à. Taper du poing sur la table pour se faire remarquer. Taper du poing sur la table. Moi je suis pas d'accord avec toi. À moitié. Hein. À moitié. Moi je dis c'est Guillaume. Tu bluffes, tu bluffes. Pour moi, je vote pour Guillaume. Ils ne se disent rien. Parce que je le connais, je sais qu'il est fort. Il est fort, il cache bien son jeu. La fourberie de ce qu'il a. Ah non, il le cache même pas en général. Je suis fort. Bon, tu crois ce que tu veux. Je m'en doutais, il fallait qu'il reste qu'un Guillaume, tu vois. Ah bah oui, tu fais fratricide. Il y en a un de mort déjà. Tu sais, dans ma chemise, je le sais. Franchement, ouais, c'est louche. C'est louche. Il y a une louche dans le potage. Je sais pas, oui. Enfin, quelqu'un qui pourrait tuer Cupidon quand même. Cupidon, ouais. Oui, mais il sait pas qui c'est Cupidon. Ouais. Les loups-garous ne savent pas qui est. Oui. Mais ils connaissent le personnage. L'homme. L'homme derrière le personnage. Normalement, c'est juste un petit ange. Il est grosse fesse, c'est un arbre. Non, ça, c'est l'idée qu'on veut te faire implanter dans l'esprit. Mais ça se trouve, c'est un gros barbu. J'ai pas d'idée, je suis mort. C'est un gros barbu. D'abord. C'est ça, est-ce que les morts peuvent débattre? Non. Non. Non. Ah, bon. Quand tu joues en ligne, les morts, ils peuvent parler au corbeau, je crois. Non, au chaman. Oui, c'est vrai. Les morts parlent au chaman. T'as pas mis la petite fille? J'ai pas mis la petite fille et je suis désolé, j'ai oublié la voyante à ce tour-ci. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je me souvenais plus. J'ai pas noté les rôles du coup. La voyante. Ça aurait pu faire une femme avec un. Ouais, mais c'est bon, je les ai maintenant, c'est bon. La voyante. Je sais plus c'est quoi la voyante. La voyante, elle peut voir le rôle de. En fait, elle désigne quelqu'un et tu sais. C'est la carte vision dans Shadowhunter. Ça aurait pu aider. La carte vision. C'est le personnage. Mais à moins, il foutra rien. Je pense que tu es un shadow. Montre-moi ta carte. C'est absolument pas ça. Moi, je vote pour Bilout. Ouais. Mais moi, je sais pas. Ah, égalité d'homme. Pour l'autre Guillaume. Voilà. Ah, ils sont va. Deux quand même à voter pour moi, cette personne. Et vous êtes trois quand même à voter pour Guillaume. Alors, pour Guillaume... Non, je vais pas voter pour moi, je vais voter pour l'autre parce qu'il vote pour moi. Et combien de personnes qui votent pour Guillaume? Ah, bah, c'est moi qui suis mort, de toute façon. On est deux à voter contre lui, et tous les autres sont contre moi. Et tous les autres sont contre toi? Ouais. Mais pas toi. Pas toi. Non, pas moi. Tous les trois. Tous les quatre. Je suis désolé, Guillaume, mais... Le village a décidé. Ouais. Ah, voyons, c'est un peu sans en plus. Ça va rien, de toute façon. En plus, on t'a niqué en plus. Bah oui, en plus, on a fait mon tour et en plus, on me tue. C'est dégueulasse. Ouais. J'avais dit, j'étais pas loup-garou. Je le savais quand même que j'étais pas loup-garou. Ça s'est vu, en fait. Je vais passer avant de t'envoler vers les cieux. Je suis désolé. Ouais. J'ai un message à faire passer, c'est. Pourquoi? Et oui, parce que Cupidon. Merde. Oh, putain, une sorte de combo breaker de la était l'amant de Guillaume. Oh, non. Et j'étais la sorcière. Oh, ah merde, en plus. Il avait tout faux. Dis-moi, vous avez dit tout à l'heure. Voyante et sorcière. Oh merde. On dirait bien que la sorcière ne peut pas passer des trucs à la voyante. Une nuit, trois morts. C'est bon. Cupidon et les amoureux. Bravo. Bravo les gars. Bravo, vous n'êtes pas, pas dans la merde. Vous n'êtes pas dans la merde. J'applaudis les villageois. Et c'est l'heure de se rendormir. Ah, les morts, c'est une journée. Il meurt dedans pas. Donc il n'y a plus de voyante, il n'y a plus de. Non, ça, il y a toujours la plus de sorcière, donc ça va me faciliter le travail. Donc, le salvateur se réveille. Le salvateur désigne une personne. Pas la même qu'au tour précédent. Sims Lady. Je préfère ça. Ok. Une petite musique un petit peu baroque là, c'est très. Les loups-garous se réveillent. Les loups-garous vont me désigner une personne à tuer. Ok, les loups-garous sont d'accord. Les loups-garous se rendorment et je crois qu'il y a plus de. Sorcière et voyante, la sorcière est morte, la morte est morte. Everybody die. Et attends, moi, c'était qui? C'est toi, me semble. Le village se réveille. Moi, je dis. Alors, je referai une partie après, je peux noter. Il manquait pas les loups-garous. Ouais, non, si t'es d'accord, t'as clairement le temps. Everybody die. À l'exception de Solène. Oh merde. Ça t'apprendra, hein, tu vois. C'est le karma. Karma police, tout ça. Ouais, bon, enfin, c'est compris. Les loups-garous ont fait leur choix. Et tu avais l'air appétissant. J'ai tout de. T'as pas mis de merde non plus. Ancien. Tu étais l'ancien. Ah oui, c'est l'ancien, j'avais vu. Bah, du coup, ah, mais non, du coup, quand l'ancien meurt, ça fait pas un truc pouvoir magère à Majax là. Non, c'est comme je savais pas qui était. Bah, c'est au premier tour. On va recommencer. Ouais, mais non, l'ancien, la première fois que tu te fais attaquer. Ah, je croyais que c'était que le premier. Non, c'est la. Ouais, mais comme je savais pas qui t'étais, il faut que je note sur le papier. Tu prends le carnet. Du coup, là, je prends le carnet. Non, parce que j'ai fait de la merde depuis le début en fait. Je vous dis pas, mais voilà. C'est qui les loups? J'ai oublié la voyante. J'ai qui les loups? La voyante, elle est là. Ah oui, je tu l'as pas protégé. Ouais. Je l'ai pas appelé au premier tour. Et en plus, t'avais utilisé la potion de vie pour sauver Guillaume, mais je l'ai quand même tué. Mais c'est pour ça que je comprenais pas. Mais pourtant, j'ai passé la potion de vie, donc normalement, ça devrait être bon. J'étais à l'ouest. Non, tu sautais pas. T'aurais pas dû mourir. C'est dommage que tu vois la petite fille, c'est rigolo la petite fille. Donc du coup, quand on dort, on est comme ça. Et la petite fille, on est comme ça, et la petite fille, C'est vrai que t'as l'équipe qui... Elle peut garder un peu un œil ouvert, mais il faut pas qu'elle se fasse voir par les loups-garous, ouais, sinon... C'est trop chaud. C'est sinon, le matin, les loups-garous, on tue elle... J'ai pas coupé, hein. C'est ça. Avait... Ouais, c'est pas grave. Ça fait 20 minutes, c'est pas grave. Juste vous deux. Ouais, t'es pas ça. Ouais. Ah, sachant chasser. Sans ton chien. Il y avait son chat. Et il n'est pas, ça s'entend. C'est dans toi qui écrit. Ouais. M'éloigner ça. C'est pas possible. Pour toi. Je ne regarde pas. Qu'est-ce que c'est? Je vais le mettre là. C'est pas ça. Je vais le mettre là. Je vais bien sur les notes. Guillaume est un tel, Guillaume est un tel, Guillaume. Bah, y a Biloute, Biloute, Guy. Guillaume et j'ai mis Nico parce que sinon. Ah. Non, ça faisait Guy. De toute façon, là c'est Biloute. Hein. We are the nice. C'est pas Guillaume en fait. Il n'y a pas de vrai nom en fait. C'est lui, mais c'est pas lui. Tout ici c'est Gandalf 89. Oh merde, maintenant ils vont savoir que tu t'appelles Biloute aussi. C'est une Gandalf 89. Pourquoi on fait un maître renard à 9? Du gentil monsieur. Pas assez de masque. Oui, je sais, mais... Ou même à 9 mains dans la boîte. On va pouvoir commencer à faire un pizza après. Ah oui. C'est déjà 20h20. Ça, c'est une idée qu'elle est bonne. Ouais. Bah oui, c'est 20h20, dis donc. 20h20, ouais. 20h20. On a le temps de faire la partie, et puis après, on fait les pizzas. Allez, alors qu'en hiver, là, on aurait été déjà à moins 5, ce serait mort. On aurait été déjà... Mais non, parce qu'il y a le sol chauffant. C'est ta facture d'électricité qui serait morte. Bon, je chauffe ça. Non, c'est de l'eau. Pas comme la dernière fois. Je chauffage. Parle de toi. Bah, il faut bien que ça chauffe. Très très vite. C'est pas nous qui la chauffons, là. C'est compris dans les jambes. C'est de l'eau froide l'été et de l'eau chaude l'hiver. Ah, c'est marrant. Do you know consommer à balle? Je suis pas impressionné. Excuse-moi, je vais te mettre 3 grandes claques. Il y en a 2, il y en a 3, mais Bilou, il y a un truc pendant la chauffeuse. Je te fais virer la chauffeuse. Une chauffeuse, allez, on chauffe. C'est ce que j'ai dit. Oh, un BZ. Do you know ce BZ? Tout le monde y a vu qui il était. Je crois que je suis le montreur d'ours. Non, pas tout. Je crois que c'est ça. T'es déjà montré les ours. Je vois bien. J'aime ça montrer les ours. Surtout l'ours bleu. Moi je suis la petite fille. Yuck beer. Ça se voit. La barbe. Pio, pio, pio. Tu dis ça au facile ça. C'est Non, il a les cheveux longs. Ah, c'est bon. Toi aussi. Non, c'est pas la face. Ils sont plus longs que toi en plus. Ouais. Tu peux regarder la face des personnages? Oui. Merci. Nous avons. Encore une fois. Non, mais nous avons des loups-garous. Bon, ça, c'est les normaux. Voilà. Nous avons un salvateur qui peut protéger une personne à chaque nuit. Mmh. Pour la nuit. Une sorcière qui a une potion de vie, une potion de mort. Ouais. La partie. Cupidon, qui va choisir les amoureux. A lover. Le chasseur, qui va entraîner avec lui quelqu'un dans la mort. Quel enculé. Comme le Cupidon, mais pas pareil en fait. L'ancien qui est protégé par la première attaque des loups lors d'une nuit. Et pas juste le premier tour, comme je croyais. Non, pas juste le premier tour, c'est la première attaque. La première attaque contre lui n'a pas d'effet. Par contre, s'il est tué par des innocents, les villageois perdent leur pouvoir pour toute la partie. Nous avons une voyante. Je vais essayer de ne pas oublier cette fois. On va pouvoir voir le rôle d'une personne. Comment tu t'es fait spoiler la dernière fois? Et... C'est quoi spoiler. Moi j'ai fait le tour. On vous ment, on vous spoilie. C'est pas mal. De spoiler. Nous avons un ancien voyant, chasseur, salvateur, sorcier. Un chasseur. Ok. Ok. Le village peut s'endormir. C'est parti. Petite musique là, dans l'air fond. Cupidon va la faire. Cupidon va me désigner deux personnes qui sont des amoureux. Cupidon se rendort. Je vais aller toucher les épaules de deux personnes. Oui, par contre, je refais pas deux fois la même blague. Pourquoi tu me touches deux fois les épaules hein? Oh, qu'il est drôle! Qu'il est con, ce con. Qu'il est con, c'est idiot. Ok, les deux personnes à qui j'ai touché les épaules vont se réveiller. Ces deux personnes se sont identifiées. Et vont pouvoir s'endormir. Deux quadrilles. Pardon. Le salvateur se réveille. Le salvateur va me désigner une personne à protéger pendant la nuit. Qui soit. D'accord, le salvateur peut se rendormir. La voyante va se réveiller. La voyante va me désigner une personne à qui on veut voir le rôle. Hop, désolé, je vais passer dans vos pieds. C'est dégueulasse. Eh oui, mais parce qu'il me faut récupérer vos cartes. Hop, pardon, pardon. Pardon. Excusez-moi, excusez-moi. C'est bon, là je peux atteindre jusqu'à Guillaume. De toute façon, je sais pas où il a mis sa carte, mais. Ah bah non. Elle est par terre, ok. Mets-la sur la table, que je puisse la prendre au cas où. Voilà. On me spolie. Un peu, ouais. C'est qui? C'est le montreur d'ours. T'as déjà dit. Eh, le montreur d'ours. Tu connais la blague de l'ours bleu? Crado. Pas moi. Ah bah si. Tu mens. T'as aucune preuve. Tu mens. J'ai pété. Tu bluffes. Oui, c'est ça. On t'a reconnu. La voyante se rendort. Les loups-garous se réveillent. Les loups-garous s'identifient. Et vont pouvoir me désigner une personne à protéger pendant la nuit. Ah, autant bon, à tuer. Ah. Vous êtes des loups-garous, vous n'êtes pas là pour protéger des gens. Désignez-moi une personne, s'il vous plaît. Et loups-garous se rendorment. La sorcière se réveille. La sorcière va me demander si elle veut utiliser sa potion de vie. La sorcière va me dire si elle veut utiliser sa potion de mort. Yeah. Si oui, sur qui? Oh. Très bien. La sorcière se rendort. Village se réveille. Sauf. Il est mort, sauf. Quand oh merde. Au revoir. Mais. Ah. T'es pas tout seul. Les villageois perdent tous leur pouvoir. Oh. Merde, pas de t'étais l'ancien? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais mourir au conseil, au compte. Oui. T'es protégé des loups-garous. T'es protégé des loups-garous. Mais il n'y a pas que les loups-garous qui peuvent me tuer. Ah bah bravo! C'est pas mon rêve! Sale sorcière! À mort! Bon, allez, je suis mouré! Guy, t'as oui, pas sur la sorcière. Il y avait que ça. Oh la nuque. Avant de débattre, vous avez. Tué la sorcière! 4 minutes. Quoi. Alors, ah donc du coup, il y a eu qu'un mort. Ouais, ah ouais! Alors, Ça va me faciliter les tours. On raccourcit les loups-garous. Tout le monde se réveille. Mais c'est dans la pratique, c'est. Ah, il est cool, hein, l'ancien. Surtout les, enfin, le premier tour, quoi. Pouvoir magique. Bon. De ce côté-là, c'est un peu. Ah, c'est la sorcière qui est cool, hein. Moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai. Il nous reste 3 minutes, hein. Moi, en fait, tu es la sorcière plutôt. Moi, en tout cas. Ouais, moi, je revote contre Bilout. Encore bah, mais oui, vous m'en voulez, bordel de merde. C'est la vengeance par rapport au dernier round. Oh, ouais. C'est ça, bande de malandrins. Bon, bah. Vous faites ce que vous voulez, en vrai. Oh, ben. Vas-y, je suis tellement honnête que je vais voter contre moi-même. Vous avez encore 2 minutes, hein. Tellement je suis honnête, je vais voter contre moi-même. Voilà, il se suicide. Non, t'as pas le droit de voter contre toi. Ah, bah bon, tant pis, alors, je voterai au pif contre une personne. Mais ils essaient de te défendre. Hein. Ils me défendent, ils m'en veulent. Ils me spolient. Ils me volent. Non, mais, ils savent que je suis le prolétaire de la bande. Ils le savent. Dis-leur, bordel, je suis pas poilu. Bah, je peux pas mentir. Je peux pas mentir. Enfin, là, d'où on voit, là, si, t'es poilu. Tu vois ouais. Ouais. Ils ont une accusation en charge contre moi. C'est le monde qui est poilu, après. C'est, tout ça, c'est que le prolétariat contre le grand consumérisme. Non, c'est je le sais, ne mentez pas. Je sais que la sorcière a mal visé. Je le sais, ça. Oui, mais c'est toi que tu t'es trahi, t'as fait « Ah, j'ai mal visé ». Ah, mais je sais pas. Et si, ce que t'as dit. Au pire, si on tourne par un loup-garou, on tuera la sorcière pour avoir fait voilà. Une voilà. Vous voyez voilà, on me spolie. On me spolie, bordel de merde. On me spolie parce que moi, je suis bien amical, je vise personne encore en particulier. Ça avec des potions de mort. Hein ouais. Ah, mais je sais pas. Ah, moi, je vise comme ça. Ah, hein il l'avoue. Je vise comme ça, moi, les enfants. Ça veut dire que la sorcière a aussi utilisé sa potion de vie. Oui. Ah justement, c'est Kraï qui a plus de pertes. Kera ? Mais de toute façon, elle a plus de pouvoir. On ferme la porte du couloir, si elle est passée. Ou le salvateur. Eh oui, c'est le salvateur. Ou le salvateur. Ah, c'est pour la double bibi. Ouais. Enfin, de toute façon, là, on peut l'oublier. Oui, mais il n'y a plus que deux. Il n'y a plus de pouvoir. Non, hein. De toute façon, on m'en veut. Je le sais. Je le vois dans les yeux. Vous n'êtes plus que des villageois, tous. Oh merde. Ils savent que je suis comment. Ils sont villageois aussi. Ils savent que je suis perfide. Ils le voient, il y a mes yeux. Le village Chandor, le village Chandor. Ils savent à mes yeux. Ils me regardent. Qui est son nom aujourd'hui? Tu sais que l'Igari est mort. J'étais un villageois. Parce que c'est comme moi, j'ai du succès. Allez, on va passer au vote. Allez, moi, je sais qu'ils m'en veulent, allez. Pas d'amis, donc. Alors, Amstram, un petit épi qui connaît grave. Pour moi, Amstram, grave. Ah, ce sera toi. Moi, j'ai juste contre toi parce que. Mais n'importe quoi. Juste contre toi parce que plein le cul, voilà. Okay. Allez, changement de vote. Oh, allez, oui, tiens. Parce que bon, faut pas déconner. Ah, pourquoi pas, allez. Oh. Bah. Et pourquoi tu fais ça, toi? Mais c'est là. T'as pas d'avis, bordel de merde. Tu veux mourir? Je sais qu'il m'en veut. Je sais qu'il m'en veut. Je sais que Lidéric m'en veut. Non mais de toute façon ça sera toi. C'est moi, c'est fini. De toute façon on n'a pas de merde. Donc il y a 3 votes contre toi, contre 2, contre 1. Je suis désolé, Guillaume, tu es mort. T'étais qui? J'étais Babite. Et non j'étais. Bande de malandres. Bande de malandres. Un de moins. Et je vais me vager à ma jeune et brisée. Par contre, on n'a pas trouvé la sorcière encore. Après tout ça, je savais plus être trouvé les loups-garous, c'est trouvé la sorcière. En plus, <Embûcher. rire> Hérétique. Après avoir festoyé cette demi-victoire. On l'a mangé. Cette victoire en demi-tente, comme vous voulez. Le village sera mort. Le baron vient maintenant. Si t'en fais pas partout, le pont t'endormir. Ma foi, c'est ta tête à dormir. Hein. Et donc, le loup-garou se réveille. Hein. Oh là là, oh là. Et le loup-garou va me désigner une personne à tuer. Et là, c'est open bar. Vengeance! Open bouffe. Et là, c'est buffet à volonté. Sachant que le reste au piquant. Ok. Elle aime. Le loup-garou sort en bord et tout le reste s'est zappé. Avance rapide, hop là. En fait, le se réveille. L'ancien, c'est le... se réveille. C'est quoi le Robert? Ça va vachement plus vite. Qui est mort? Lidéric. Oh, oh, espèce de malandra. Espèce de FDP. Est-ce que c'était toi la sorcière? Bravo. C'était qui la sorcière? C'était toi? Parce que j'étais le salvateur. Ah, je suis trop triste, je me suicide de désespoir. Du coup, Miko se suicide de désespoir suite à la mort de Lidéric. Joli goût du loup-garou. Je m'avale la boule de cristal. J'avale la boule magique et j'appelle Maître Bindi. Déjà, c'est facile. Point de monde. Attends, mais il reste qui là? Plus grand. Un loup-garou et deux villageois. Il reste Guillaume, Sarah, Solène et Aurore. D'accord, c'est un peu la même chose. Vive les filles. Allez, vous avez 3 minutes. Moi j'avais voté. Moi je vote Sarah, elle était loup-garou au premier tour déjà. Moi je pense que c'est Aurore. Pourquoi? Parce que l'idée et moi on t'a désigné et comme de par hasard c'est l'idée qui meurt. Donc je pense que je suis la prochaine. Quoi? Par vengeance, parce qu'on t'a désigné. Moi, être perfide devant l'idée. Ouais, mais dans ce cas, pourquoi j'aurais voté contre lui? Et toi, t'as changé ton voilà, vote tout à l'heure parce que tu voulais pas accuser ton pantalon moi, Lugaro. Moi, je dis non. Moi, je dis bah ouais, c'est vrai. Après, moi, je dis que t'as changé ton vote. Bah ouais. Ce serait quand même bizarre. Ouais, mais pourquoi on va commencer par Mute. Enfin, sur la technique. Mmh, oui, oui. En pensant que c'était la sorcière, je sais pas. Moi, je dis que Solidéric, il est bah, si j'avais été le loup-garou, j'aurais su. Non, mais vous, on est mort, on peut pas parler. Après, j'attends moi, dans notre avis. Je dis Lidéric, il est beau. Amine, ah, regardez, Guillaume a beaucoup de et Guillaume, en même temps, il dit pas grand chose. Ouais, non, mais moi, j'ai dit mon avis. Hein. Je me suis exprimé. J'ai donné mon avis au premier tour, maintenant, j'ai merdé. Sinon, ça va fausser les choses. Mais quoi? Mais c'est son huile de base. Les oreilles, oui. Les yeux. Mais tout ceci est son huile de base. Le chaman peut écouter les morts, mais il sait pas qui c'est. Le chaman King. Il connaît pas les. Il sait pas qui. Il sait pas qui sont les morts. Il sait pas qui lui. C'est Shaman King. Tu joues en ligne en fait. Ah. Tu vois ce que le chat des morts en fait, mais pas les pseudos des gens. Normalement, le chaman. Allez, on fait les trois mots à balancer comme ça random pendant la phase jour. Trois mots random. Pendant. Il doit dire banane flambée. Il doit se démerder, il doit dire banane flambée le mec. Banane chocolat coco. Et il dit que ça. Bah, dans son discours, en parlant, en discutant, il faut qu'il cale. Je suis sûr que le banane à roue a mangé du chocolat. Bravo, du con. Bravo. Ah, c'est bien joué. Un applaudissement pour le monsieur là-bas. Merci. C'est lui, il a fait tomber le micro. C'est un loup-garou. Il était long, il était long. Il était long, mais ça prouve qu'on peut battre. Donc, est-ce que vous êtes décidé à voter ce que vous ouais. C'est moi, c'est moi, je le sais. On me spolie encore. Est-ce que vous avez des choses à dire? Moi j'ai tout dit. Ouais. Eric, je sais pas ta vie sur bah, les têtes me reviennent pas. Ah, même qui m'est jamais revenu d'ailleurs. Oh, cette dénonciation calme. Tout le monde se dénonce. Sarah, un vote. Ouais, c'est Solène, bien. Deux votes. Ouais. Aurore, un vote. Et désolé Solène, mais tu es mort. Et bien vous êtes nuls. J'étais chasseur à la base. Le chasseur. Tu peux tuer quelqu'un. Non, non, non. Et non, ils sont devenus complètement random. Ils sont mouillés là maintenant. Ils sont devenus random. Tu as un pétard mouillé à balancer sur quelqu'un qui ne fera aucun dégât. Et le village se rendort. C'était méchanceté quand même. Ah oui, c'est vrai, il reste 3 personnes. Et oui, je pense que ça serait mieux d'enlever Cupidon parce que ça fait trop de morts d'un coup. Ah ouais, c'est, ah, ça dépend. Bah, quand on est très amoureux, ça va. C'est le challenge. Le loup-garou se réveille. Le loup-garou veut me désigner une personne. As-tu tiens, une... crève. Charogne. De toute façon, le loup-garou a gagné. Je vous dis. De toute façon, le loup-garou a gagné. Ah oui, parce que le mort, il ne pourra pas voter. Ah, ça dépend. Hein. Sauf s'il est de droite. Le loup-garou se rendort. Ah non. Fier de sa victoire, parce que et le village se réveille, sauf Guillaume. C'était quoi que c'était donc toi. C'est qui la sorcière? Aurore, wow. C'est lui qui t'a buté. Hein, c'est pour ça que tu l'as. C'est lui qui t'a buté à mort de random avec un de sur lui, si tu veux, je peux chercher quoi. C'est de ta faute, ça m'a parlé. Sûrement, oui. Ben non, c'était pas toi, c'était pas. C'était au pif total. Et enfin, l'idée c'était au pif total. Mais quand même, ce que je dis, ça se tenait. Hein. En fait, j'ai essayé d'éliminer les amoureux. Je me doutais qu'il y en avait au moins un dans ce secteur-là. Et du coup. Vous voulez virer le Cupidon? Mettre quoi à la place de mon trois bourses? Mon trois bourses. Le Cupidon. Oh. Oui. Et tu m'as fait faire aussi. Kira s'est calmée, elle voit pas le chat. Ah bon. Ah ouais. Alors, et question sorcière. Con, est-ce que le Cupidon peut se choisir lui-même? Oui. Il peut se choisir lui avec quelqu'un. Il peut se lever lui-même. Ah oui, il peut être amoureux lui-même. Pas avec une nana. Parce que Silver, s'il se tue lui-même, ça peut comprendre. Bah oui, peut. Mais par contre, si tu choisis le chasseur, par exemple. Oula, ça fait du dégât. Ouais, bah ça fait 4 morts d'un coup. 4 morts. Ouais, non, ça en fait 3. Moi, ça fait des morts quand même. C'est Guillaume. C'était Guillaume. Non, ça fait. Le sorcier, c'est moi, oui. En fait, il a utilisé ses 2 potions direct. Il a sauvé Solène direct et il a tué Quentin en mode random. Guillaume, il t'a sauvé au premier tour. Avec la potion de vie, il t'a sauvé. Avec la je lui dis, est-ce que tu utilises la potion de mort? Ouais, sur qui? Quand même. Ok. Et donc. Du coup, la première cible, c'était bien Guillaume. Tu auras le droit de ne pas dormir sur, non, c'était sur, sur le balcon. Ouais. Ah, okay. On est des malandas. Alors, j'enlève Cupidon et je mets le montre redoux. Ouais. Tout le monde le sait que le c'est plus grand désarroi d'un homme de gauche, c'est de mourir parce que généralement il est mort à droite. Si au réveil il y a un loup-garou à côté de lui, à droite ou à gauche, je vais dire l'ours grogne. Alors on estime que c'est un cercle, donc Guillaume à ta droite c'est Aurore. Oui, Aurore à ta gauche c'est Guillaume. Pas la table basse quoi. Je vote pour la table basse. Je crois que depuis tout à l'heure on déballe à rien dit. Moi je trouve ça quand même douteux. Je vote la table basse. Je vote la table basse. Die, table basse. Et elle a pas ramené la bière qui était the là. Today. Ok, ça fait 8. Le compte est bon. La congresse c'est pas mal non plus. Non, mais moi j'ai trouvé des rois là. Pourquoi on fait pas le gars qui dit ça va être tout le monde? Ta gueule. Ouais. L'annonceur de nuit. Pourquoi on fait pas le gars? Pourquoi on fait pas le gars? C'est le veilleur qui s'appelle. Ça va être tout et pourquoi on fait pas la personne qui gueule le matin, là, qui ronde là? Tu peux le faire, oui. Il est 6h30, tout va bien. Et moi je veux qu'on me rôle, je veux le programmateur d'Elden 2. Tu peux jouer avec ça, il faut qu'il meure de suite, allez, au premier tour. Mais tout le monde sait qu'il est villageois. Hein? Le villageois, c'est un villageois, mais tout le monde sait dès le début de la partie que c'est un villageois. Bah, c'est bien marqué ce potel, là. C'est ça que les villageois peuvent avoir confiance en lui. Les loups-garous, les loups-garous, le but en fait. Ouais, mais les loups-garous, ils peuvent tuer les autres. Mais en fait, faut le donner vers la fin. Un peu, faut le tuer vers la fin en fait. C'est ça. Oh, c'est bon. D'ailleurs, on le fait pas, mais normalement, il y a un chat avec une femme. C'est pour ça tout à l'heure, j'ai mis. Le maire, on y va, il partage un cas d'égalité. Ouais. On peut le faire. T'as pas été avec lui. On va faire ce tour si tu veux. On peut voter pour le mur au début. Les potes en général, c'est ouais, mais je sais pas si c'est après. Tu, je crois que comme ça fait un espèce de truc supplémentaire. Roger compte double. Alors, les prétendants au maire, à la veut se présenter. Exposez vos mandats. Exposez vos programmes. Je suis profondément choqué. Plus de cookies. Moi, diminution du prix des bières à la taverne. Ah, c'est pour ce monsieur. Diminution des prix, plus les cookies. Des 10 man de cookies. Il y aura des cacahuètes. C'est lui qui veut t'envoyer des cookies. Tu auras des cacahuètes. Je vous demande. Il y aura de la cookie. J'ai ramené les bretelles. Et ça, c'est du réel, ça. Ça, c'est du concret, ça. C'est du concret. Je ne mens pas, moi, du coup. Comparé à lui. Tu ramènes des bretelles. Mais il nous laisse dormir chez lui. Donc, est-ce que le maire. Ah, mais justement, c'est un argument de poids. Est-ce que le maire, il est comme Roger? Que lui-même il a multi-rôle, il est. Le maire il départage les égalités. Ah, en fait, c'est un rôle en plus en fait. Ouais. Et si le maire meurt, il y a une nouvelle élection. Bon, moi je vote pour Plantin. C'est vrai qu'il a assez comme amener les bretzels, moi je vote pour cet homme. Donc il y a Guillaume et Quentin qui se présentent pour l'instant. Parce que quelqu'un d'autre. J'ai ramené les bretzels. Hein. Moi je vote pour l'homme au bretzel. J'ai acheté les bières. Oui, dans le temps chez toi, c'est pas ouais. Moi j'ai amené pour l'occasion. Toi t'en as tout le temps chez j'ai toi. J'ai ouvert une bouteille de rosé venir. Moi je dis. Et j'ai le rosé pour Plumous. Ah. Oh, le rosé. Ouais, alors ok, je valide complètement mon choix. Donc pas d'autres vocations. Tu es une espèce de gros dégueulasse. Moi je vote pour le rosé pour Plumous. Même si bon. À ceux qui le font, on n'en aura pas, tout simplement. Pas de bretzel, pas de rosé. Prenez ce que vous avez mangé. Et si je perds, j'ai des cahuètes. Qui vote pour Guillaume Maire? J'ai gagné. Par défaut, ouais. Qui vote pour Quentin Maire? Okay, faut pas voter pour l'autre non plus, parce qu'après ça fait un peu genre très suce, tu vois. Surtout quand ça se suce entre nous, bon. C'est bon, moi j'avais pas. Pas gâché. Sauf pour. On va pas dire. Ils en auront pas ce que je veux dire. Ils en auront pas ce que je veux dire. Gandalf 80 la vie. J'avale pas. J'avale pas. Hommage à Arrobas Alex le Sandor. Attends, je suis qui ça? Une bière mère. Regarde au Dagar. C'est bon. Mais j'ai les yeux fermés, je ne. Attends, Gabi. Attends, un Gabi doute. Un Gabi doute. C'est bon. Ah oui, mais non, il n'y a plus de Cupidon. Qui c'est qui est Cupidon déjà? Elle aimerait Cupidon. Il n'y a plus d'amour en ce moment. C'est fait licencier. Ouais. Bah, il n'y a plus de Cupidon. L'amour n'a plus sa place dans ce monde. Ah non, ce monde se faisait buter. Pour l'amour du jeu, je suis désolé. Oh. Et par l'amour du risque. Du coup, le Salvateur se réveille. Yeah. Le Salvateur va me désigner une personne à protéger cette nuit. Salvateur se rendort. La voyante se réveille. Là, vous faire chier à passer dans vos jambes. La voyante va me désigner une personne à qui je veux voir une carte. Tu as les bras, Milut? Je vous emmerde et je rentre tous à ma maison. Tous à ta maison? C'est plus petit qu'ici quand même. Je t'emmerde. Ça c'est fait. Donc chez toi ça fait la salle. C'est pas parce que t'offres des bières que que tu te dois de me voter pour moi, tu vois. De me spoiler dans le dos. Avec une... Mais qu'est-ce qui branle là? Parce que là tu parles plus, tu vois. Hop, faut que je passe de ce côté, désolé. Ah ouais. Je suis à mettre près de moi. Ça te fait quelque chose? Oula. Oula. Ne pas les yeux. Par loin. Yeux. Surtout ne regarde pas. Ok, la voyante se rendort. Les loups-garous se réveillent. Il faut nous violer. Les loups-garous s'identifient. Coucou. Les loups-garous ont désigné une personne à tuer cette nuit. La je sais que ça va être moi. Du coup, je vais prendre ma dernière picole. Je sens l'entourloupe. L'entourloupe, ça me plaît. Pas trop d'accord encore. Attends un petit peu. Ce petit fifrelin, ça me... Tu vas pas le faire à chaque partie? De quoi, le petit fifrelin? Je sais pas, il est tout le temps. Mais c'est pas la même chanson. Mais c'est pas ma faute. Les loups-garous sont tombés d'accord au final. C'est un peu laborieux, mais... Je crois qu'ils attaquent le programmateur d'RTL2. Les loups-garous se rendorment, la sorcière se réveille. La sorcière veut-elle utiliser sa potion de vie? Le napalm! Ça calme! La sorcière veut-elle utiliser sa potion de mort? Le napalm, ça calme! La sorcière se rendort. J'adore l'odeur du napalm, mon petit ami. Ça sent la pizza. C'est bizarre. Le village se réveille. Non, mais là, ça sent la pizza. Il n'y a pas de mort cette nuit. Ah, oh, mais bien joué. L'ours grogne. Ah. L'ours grogne. Je grogne. Mais je sais pas, je fais que dire le français, je grogne. Ah. Ah, c'est chelou ça. Ah, c'est chelou, nom de Dieu. Mais vous avez. Et... Je dénonce la table basse. Moi, c'est vrai que la WS, c'est pas bien. Pour moi, c'est bien. Et puis, c'est quand même. Tu es mon concurrent. J'avais des bières, hein. Quand même. Ouais. Moi, je crois que des fois, faut un peu. Voilà, faut faire table basse dans l'arène politique. Et moi, je veux dire que Guillaume, non, j'ai quand même. Mais il est. Regardez, il mange des crackers. C'est forcément une bonne personne. Non, je déconne. En fait, les gens qui mangent des crackers, c'est des Anglais, c'est des mauvaises personnes. Donc, tu dois mourir. Mais tu dois vivre en même temps. Dans 3 minutes 30, on mange. Sauf Gabi. Non, les loups-garous, c'est lui, ils mangent. Hein. Ils mangent. Hommage alors... à ton produit. Parce que il n'avait pas un bon programme de merde. Ouais, mais je sais pas. C'est pas une raison. Hein. Peut-être qu'il se présentait du coup pour pouvoir avoir l'avantage. Ouais, aussi. C'était ce que j'ai. Moi, je sais qui je vais voter. Moi, je sais déjà qui je vais voter. Voilà le problème. Moi, je sais qui je vais voter. Parce que moi, à chaque fois que j'ai essayé de la tuer, ça marchait pas. Alors, moi, je vais la tuer. C'est Anamar. Mais c'est Soleil. Ouais, à chaque fois, quoi, quelqu'un l'a fait relive et moi j'en ai marre. Moi je dis un bon one shot. Et c'est suffisant. Mais comment tu sais qu'elle a été relive? Et parce que les parties précédentes c'était comme ça à chaque fois et j'en ai marre. Alors cette fois. Bah non, je suis mort. Ah non, mais tu as mis du temps à chaque fois. Non, et moi ça me plaît pas. Bah écoute, moi ce comportement me paraît suspicieux donc je vais encore une fois. Encore une fois contre moi? On me spolie. On me spolie encore une fois. Encore une fois, on me spolie. Moi je veux juste tuer les gens honnêtement. Moi c'est surtout le montreur d'eau ce qui. Le montreur d'ours, enfin l'ours à grogne. Ah non, c'est le montreur d'ours. Ne désigne pas, ouais, mais. On sait pas où il est. On sait pas qui c'est là. Oui, c'est. Du coup, c'est toi, il y a celle qui est bizarre parce qu'il ne se questionne pas. Le montreur d'ours, il pourrait donner des informations. Pour l'instant, c'est des trucs vachement loin. Donc, du coup, le. Est-ce que le programmateur d'RTL2 est mort? Non, toujours pas. Ah, il est mort jamais. Ah, ça, c'est dégueulasse. Mais je sais pas. Oubliez lui qu'il a une tête aussi. Il est là, là, au KLM. Il reste une minute. Medium, il est maire. Moi, il a candidaté. Non, c'est Quentin le maire. Il a candidaté. C'est quoi le... Et moi, je vote pas contre Roger. C'est juste des partages. Jamais Roger Le Maire. Tu votes contre. Non, je vote pas contre Roger Le Maire. Parce qu'il y a des limites à la bienséance. Tu peux voter contre le maire et ton représentant. Me représenter. Je ne vole pas la place des gens qui sont en place. J'attends qu'ils prennent leur parole. Ah, moi cette fois je dis rien, hein. Les autres fois on m'a foutu sur la gueule parce que je parlais trop. Et bah non, mais justement, moi je ne parle pas. C'est drôle, on va savoir. C'est vrai. Allez, on va se vote. Ça se voit dans ses yeux qu'il analyse. Moi pourquoi? Ouais, moi aussi. Parce que je te spolie. Écoutez votre mère. Ah, sans douter. On doutait, on veut. Alors, il y a une voix contre Bilout, il y a deux voix contre Guillaume. Et trois voix contre Solène. Trois, Solène. Quatre. Ah, mais cinq, compte. Cinq, Solène. Solène, bah je suis désolé. Oui, mais... bah non, mais j'ai bien compris. Quatre. Tu es décédé. Tu veux un Lugard. Bah oui. Bah oui, parce que oui. Pourquoi bah oui? Non, mais j'ai pas dire tout. Mais c'était... Tu m'as occupé des petits gestes, ils en auraient pas. C'était logique. Bah oui. Parle-toi, mon ami, de ces appels au secours. Pourquoi c'est logique? Pardon, pardon. Mais oui, non, mais tu verras après. J'ai l'impression que j'arrive. Vous voyez que... Le village se rendort. Ah. Pardon. Je peux pas voir mon téléphone. Non. Vous avez bien fait soigner la mort du loup-garou. Ouh. Il est temps d'aller au lit. Bonjour, je parais. Ambiancé. Mais comme ça, tu peux aller chercher des pizzas. Ah. Je mangerai tout. Ambiancé. Enjoyé. C'est pas grave. Le salvateur se réveille. Yeah. Le salvateur ne voit pas une personne. Le salvateur se rendort. La voyante se réveille. La voyante va me désigner une personne dont il veut voir le rôle. Il y a le chat qui me passe dans les jambes. C'est pas le chat. Ah, merde. Il est gros, dis donc. C'est un gros matou. Miaou. Miaou. Miaou. Gabi. Que... Oh, la voyante se rendort. Le loup-garou se réveille. Le loup-garou va choisir une personne à tuer. On va se polier encore. Arlette la guillée est là. Elle représente tous les ouvriers. Vous ne contrôlez rien. Le loup-garou se rendort. Opération pour tous les ouvriers de chez Dacia. La sorcière se réveille. La sorcière va-t-elle utiliser sa potion de vie? Kamehameha. La sorcière va-t-elle utiliser sa potion de mort? Ah, faut canarder là. La sorcière se rendort. Tu fais super bien le chat. Merci. Je te remercie du fond du cœur. La prochaine, c'est chorizo, tu pourras manger. Wouhou. Et le village se réveille. Ah. Sauf... Je m'en doutais, c'est ma violée. Bien fait. Toujours. Non, je montre mon... Oui, tu es bête, je te dis. La voyante. Oh mon dieu. Oh, je sais des choses. L'ours, il n'y a pas... Non. Bah non, l'ours ne grogne pas. Ah. Oh, je suis déçu. C'est con. Je suis sans dossier dessous. Ah, ça vous donne une indication. Bah oui, ça donne une... Oui. Bah oui, bah du coup, on sait qui c'est. Enfin... Ah, qu'a décidé. Bah non, ça laisse le choix entre deux personnes. Oui, mais tu sais pas du coup. Bah non. Bah, et tu sais. Si t'as été attentif... On me spolie. Ça laisse le choix entre deux personnes. Je m'en rappellerai pour la prochaine fois. Moi, je le raconte comme un joueur. C'est le chat grogne. Le chat grogne, bien évidemment. Le chat point. Vous avez 3 minutes. Moi, je persiste à voter pour Lilo. Ouais. Moi je vote contre le maire. Quoi? Je vote pour Guillaume alors. Meurs. Meurs, sale malandrin. Il s'est présenté lui aussi, c'est louche aussi. Moi je sais pas, moi c'est quand même bizarre que les deux. Il se deux tours. Il y a le Guillaume vote en premier et ensuite le maire revote en deuxième. Oh! Tu penses qu'il y a de la manipulation mentale? T'es mort. Fut. Ta gueule. Donc, je tiens à souligner, j'ai voté contre le loup-garou aussi, hein, autour d'avant. Oui, mais enfin, Aurore avait voté contre le loup-garou aussi à tour précédent. Hein? T'étais qui? J'étais à voyant. Donc, j'ai tout vu une louche. que Guillaume vote directement. Il n'y a pas de doute, hein. À mon avis, il est sûr de lui. Hein. Ouais. Mais je veux tout, moi, lui. Il n'a rien à foutre. Exactement. Personnellement, j'hésite entre les deux, en fait. Ah. Mais. Ouais, ouais. Dit, je vote juste non, pour, par rapport à son programme de maire. Hein. Oui, je sais, justement. Celui-là est plus fort. Ah, c'est celle que tu. Du coup, il est de mauvaise foi aussi. Toi, mon... Je vous laisse vous servir. Vous voulez une assiette pour vous ou... Ouais. Je parlais pas à toi, mais d'accord. Ok. Bye. Moi, je dis que c'est soit lui, soit vous. C'est... De toute façon, c'est Guillaume. Est-ce qu'on va entendre le découpage de pizza au micro? De toute façon, c'est Guillaume. Ça donne une indication. Ouais, je pense que c'est un Guillaume aussi. Ouais. Bah, moi, je vote pour Guillaume, en face. Moi, je vote pour Nico. Moi, je vote pour celui-là. Il y a assiette et sauveur. Oh, je départage, du coup. Non, ouais. Mais je... Sarah n'est pas dessinée encore. Là-bas. Pardon. Quand ce Guillaume-là, ça ne bouge pas. Il reste encore un peu de temps pour débattre. Non, mais c'est... Démerdez-vous. Toi, c'est louche. Encore sur les parties d'avant. Vous faites une grosse erreur, alors. Ça bouge pas, là, quand il y a les ouverts. Mais il est collé à moi. Du coup, si ouais, mais ça veut rien dire. 3-3, et du coup, je pourrais départager. Ça sent, quand même. Du coup, si je vote pour toi, c'est ça peut être juste ouvrir les yeux. Non, et... ça sert à voter contre Guillaume aussi. À un moment, il avait plus mal à la tête contre moi, donc. Oui, mais ça peut être l'autre main aussi. Vous êtes 6 yeux, hein. Ça s'entend. Je comprends pas. Maintenant, je vais pas donner mon avis. Ok, on est passé au vote. Allez. Attends, parce que c'est clairement pas Quentin qui aurait voté contre Solène. Donc, du coup, je vote. Sauf s'il est le montreur. Oui, mais non, mais de la façon où il a voté. Oh, je sais. L'autre n'a pas grogné au fait. Bah, voilà. Bah oui, bah justement. Grogné, donc, si ça a été moi, ça aurait grogné si c'était lui aussi. Ah oui. Bah oui. Ah oui. Ah oui, oui, oui, oui, oui c'est vrai. Ah oui, attends, du coup. Ah oui, attends, ça change tout. J'ai demandé si on savait. C'est peut-être pas contre un ours. Bon, ça. C'est pour ça que je dis que c'est ce. C'est malin. Il vous reste une minute. Parce que du coup, l'ours grogne encore directement à côté. Du coup, là, Solène est mort, du coup, on passe au suivant. Ouais, donc du coup, c'est Quentin à côté. C'est Quentin qui est à côté de Sarah maintenant. Et Sarah. Mais c'est moi là. Ok. Oui, donc du coup, oui, donc ça tient pas mon truc. Ok, donc là, c'est. Ok, bah départagez-vous. Dites quelque chose, défendez-vous, ouais. Faites un truc. Pourquoi vous serez pas loup-garou? Pourquoi? C'est lui qui est direct à chaque fois. Mais j'aime pas ton programme. Je propose des bières, je peux rien faire de mieux. Oui, mais t'as pas proposé de bretzel. Mais non, j'y en ai pas apporté. Et là, de suite, le bretzel, ah. Mais c'est très compliqué en fait de Franchement, j'hésite, mais. Tu te tiens à ton choix. Très franchement, je réfléchis pas, j'ai juste envie de t'en mettre. Allez, c'est l'heure de voter. On a vu que je représente un danger pour cette Déjà, tu dois voter, donc ça dépend pour qui tu votes directement. Ouais, justement. Mais tu peux voter pour une autre personne qui n'est pas montrée. 9, 8, 7, 6. Oh, tu as cette durée de merde. Edward Snowden est mort, il ne t'aidera pas. 2. Ah merde. Dans 3 contre 3, tu les deux. Tu départages. C'est espagnol, hein. Soit Guillaume. T'abuses, hein. L'année prochaine, je t'amène pas. Hein. 10. 9, ok, je départageais du coup. 8. Ça me donne plus de temps pour aller chier. 7. 6. 5. Les Guillaume sont des fourbes. 4. Ah, bon, là, ça d'un côté tu le défends aussi. Lui hein. Tu choisis Guillaume. Oui. Okay. Je t'aime pas. Guillaume. Il est évidemment choisi. Ouh. Votez pour moi. Pas arrêter l'ancien. Bon, c'est lui. Pas tout dur en fait. J'ai lancé une potion sur la gueule en disant. Ah c'est ça en fait. C'est les loups-garous qui sont pas décidés en fait. Et que t'as sauvé le. C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. Je rentrais de gala avec mes musiciens. Quand une grosse bête apparut sous la pluie, faisant de l'autostop comme un vulgaire humain. Je lui ai dit monter, il m'a répondu: je suis le loup-garou, et toi qui donc es-tu? Je suis chanteur comique. Pour les bambinos, des petits refrains rigolos. Mais le loup-garou m'a dit: t'as rien compris, t'es plus dans le cours. Dans le Languedoc, un bon goût, tout de l'Orénoc, n'importe où, les gens se toquent pour le bougalou. Si vous me prêtez votre instrument, je vais vous jouer un truc fumant. C'est plus qu'un tube, c'est. scène. Alors je l'ai pris en vedette américaine. Et je l'ai présenté à Lux au Carpentier, à Daniela Drucker, enfin au monde entier. Bientôt il fit rager ses petits camarades en grimpant comme un fou en haut des hit parades. Et la grosse bébé. Dans le Languedoc, à Tombouctou, dans l'Orénoque, que n'importe où, les gens se toquent pour le loup-garou. Je suis resté simple, très sympa, ça fait plaisir à mon papa qui voulait pas que je fasse ce métier-là. Les oiseaux s'arrêtent de gazouiller, les ruisseaux s'arrêtent de gargouiller, les martiens quittent leur soucoupe. Et les pépés mangent leur soupe quand le loup-garou joue le coup.